Notre deuxième thème, l'importance que les gens nous donnent. Bon, écoutez, j'ai dit souvent, et je le répète encore, les gens sont intéressés à vous que par rapport à ce qu'ils se donnent, donc qu'ils se construisent de leur vie, de votre personne. Donc, attendez-vous pas à ce que les gens vous aiment d'amour gratuit. Vous pouvez recevoir un chip gratuitement, mais il y a toujours un élastique sur le chip. Fait que la dynamique est que les personnes, s'ils savent que s'ils vous font un cadeau, ils ont un retour, ils vont vous faire beaucoup de cadeaux. Et les gens qui savent que s'ils vous font un cadeau, il n'y a pas de retour, ils vont vous en avoir fait un ou deux s'ils sont dans l'espoir, mais ils vont lâcher prise assez rapidement parce qu'ils ne veulent pas se faire saigner. Conséquemment, j'ai toujours dit aux gens, un cadeau, c'est une dette. Donc, les gens qui se disent généreux par rapport aux autres, essayez de creuser un petit peu, c'est quoi le message qu'ils vous envoient par rapport à ce qu'ils veulent que ça revienne. Et ça, je vous le dis, je l'ai testé toute ma vie, et j'ai toujours vu que les gens qui vous aident, s'aident. Les gens qui vous aident, s'aident. En d'autres termes, ils ont besoin de vous garder en vie pour leurs besoins, donc pour se construire. Si vous avez de l'importance pour quelqu'un, c'est parce que vous avez fait de quelqu'un, quelqu'un, avec ce que vous étiez. Donc, si vous améliorez la vie des autres et que ça en devient un besoin de s'améliorer, donc s'ils reconnaissent que vous les aidez à s'améliorer, puis régulièrement, fortement, intensément et concrètement surtout, bien important, là, à ce moment-là, cette espèce d'instinct de survie que tout le monde a, ça vient chercher dans l'animal un intérêt de vous inclure dans le mode de vie. Et dès que vous êtes inclus dans le mode de vie de l'autre, vous avez de l'importance. Mais si vous ne vous incluez pas dans le mode de vie d'une personne, donc vous ne faites pas partie de ses intérêts de survie, vous n'avez pas d'importance. Facile à comprendre, hein? Vous n'avez pas besoin de connaître un patron pour lui donner de l'importance. Vous avez juste besoin de savoir qui signe votre chèque de paye. Et il va avoir de l'importance. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous n'êtes pas invité dans ses parties, même s'il ne vous fait pas connaître sa famille, il va avoir beaucoup d'importance parce que c'est lui qui signe votre chèque de paye. Donc, les règles de base de l'importance qu'on a aux yeux des autres, c'est lié à la survie matérielle, à la survie émotionnelle, à la survie dans le sens intellectuel de qu'est-ce que vous allez chercher comme talent qui va améliorer votre réputation, qui va améliorer votre reconnaissance publique de vous pour justement répondre à des critères d'amélioration financière et matérielle. Vous êtes avec les autres qui ont de l'importance pour vous pour survivre. Point final. On peut arrêter la conférence là, puis ça a tout été dit. Mais on va aller plus loin dans les détails. Ça va être comment un vampire s'occupe d'aller pomper un autre vampire. La vie, c'est dur. Et les gens savent que c'est dur. Tout le monde a connu à un moment donné une période d'isolement, de difficulté dans le sens de ne pas avoir de partenaire pour pouvoir partager quelque chose. La première affaire qu'un animal humain a besoin, c'est de la présence pour stimuler son goût de vivre. Conséquemment, vous venez de comprendre c'est quoi le couple. Le couple, c'est deux personnes qui veulent avoir de la présence. Et de la présence, c'est le premier moteur de l'individu. Tu as ça dans ta famille. Les animaux, ils viennent au monde puis ils cherchent à collectiver. Tu sais, quand une femelle a deux, trois bébés, les bébés se tiennent ensemble pour pouvoir justement avoir de la présence. Un animal est autant nourri de présence que de nourriture et d'eau. Autant. J'ai vu des chats manger parce qu'ils manquaient de présence, puis quand tu leur donnais de la présence, ils mangeaient moins. Pas parce qu'ils avaient moins faim, c'est parce qu'ils étaient nourris par la présence. Donc, dans de la présence, il y a des échanges d'énergie, c'est bien occulte, mais c'est très, très puissant. Et c'est la principale raison pourquoi les gens cherchent à se mettre ensemble. Avoir de la présence. Une présence qui n'a pas besoin d'être nécessairement humaine, mais ça peut être une présence, moi j'ai beaucoup de chats, puis la présence est suffisante des animaux pour me donner une balance. Fait que ça vous donne une mesure que c'est pas une question de jasette, là. C'est une question de présence. Présence dans la maison, tu aurais pu avoir un saumuet dans la maison, puis ça va te donner de la présence pareil. Donc, le premier ingrédient, c'est sûr, c'est manger pour survivre. Mais la présence, dans le sens du rapport humain, c'est bien essentiel, c'est bien important. C'est pourquoi le couple est si important dans la vie d'un être humain. C'est une recherche de présence. Bon, présence, ça veut dire aussi chimie. En ce sens que, quand tu as de la présence, il faut que tu aies quelque chose qui ne te débalance pas. En d'autres termes, il y a des présences qui peuvent être trop intenses et puis les gens ne sont pas confortables ensemble. J'ai toujours dit dans les questionnements qui touchaient le couple, le plus important, c'est quand tu dors avec l'autre. Parce que c'est là où la présence est la plus évidente parce qu'il y a rayonnement libre. Tu sais, il n'y a pas de contenance, il n'y a pas de gestuelle. Tout se passe dans un état. Le sommeil, c'est la mesure de la chimie avec l'autre et conséquemment de la présence que l'autre a dans la vie de tous les jours. Quand tu commences à avoir de la misère à dormir avec quelqu'un, c'est parce qu'il commence à être hors focus, hors rythme avec toi. Donc, il y a des grosses chances que quand tu n'es plus capable de dormir avec quelqu'un, tu aies moins de l'importance pour l'autre ou que toi, tu donnes moins d'importance à l'autre. Conséquemment, ça devient très important d'ajuster ça par des jeux de participation, aller au restaurant, manger ensemble, créer tout ce qui fait que ça fait de l'intimité. Puis, si vous n'êtes pas capable de recréer ça, il y a des grosses chances qu'une séparation s'en vienne. Parce que là, manquer de sommeil, pas être capable d'installer une chimie dans des échanges, dans du jeu, toujours établir une espèce de sorte de sérieux sur les structures, les constructions, ces choses-là, ça tue la relation, ça tue l'importance que l'autre te donne. Parce que pour que l'autre te donne de l'importance, il faut qu'il y ait un jeu ensemble. Jeu, j'applique sur le mot jeu, pas travail, jeu. Parce que le travail, c'est dur. Et quand c'est vécu dur ensemble, ça crée un effet de solidarité, mais ça fait un effet aussi d'écœurement. Tu t'amuses pas avec l'autre. Si tu t'amuses pas avec l'autre, c'est pas drôle de vivre l'intimité. Tu travailles pas quand tu dors, hein? Tu relâches. Bon, ben, si t'es pas capable de lâcher avec quelqu'un, c'est que tu travailles tout le temps. Si tu travailles tout le temps, puis c'est toujours grave, c'est toujours on va manquer d'argent, puis là, il s'installe l'impression que l'autre vit dans de la peur. Puis de la peur, c'est pas nourrissant pour l'individu. Parce que tu viens pas au monde pour mourir. Tu viens au monde, puis la mort va te prendre par surprise. Tu viens au monde pour vivre. Vivre, ça veut dire vivre. Ça veut dire s'amuser. Ça veut dire avoir des satisfactions. Puis si les deux individus ne sont pas capables de se donner ça, bien la relation, elle s'effondre, littéralement. Si tu rajoutes la critique, là, c'est l'enfer. Parce que les constructions ne suffisent pas à garder une relation ensemble. C'est impossible. Là, si c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille. C'est aussi vrai, après ça, pour la collectivité, donc la parenté. C'est tout. Moi, si t'es pas bien dans parenté, tu veux pas être dans parenté. Tu veux être ailleurs, avec des amis, avec des gens avec lesquels tu as du plaisir. Fait que moi, j'ai perdu mon gars parce que c'était pas le fun de vivre chez nous. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de main, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Fait que, tu sais, c'était comme on développe pour travailler, puis on réussissait pas à se trouver des terrains pour s'amuser. Fait que, à un moment donné, la relation coupée, puis elle s'est coupée. Genre, pas le goût de voir mon père. Mon père, c'est toujours pour travailler. C'est toujours pour structurer quelque chose. Tout ce qui est sérieux vient voir le père, mais s'il veut s'amuser, il va voir la main. Fait que ça, c'est très, très important de comprendre qu'on a autant d'importance chez les gens qu'on est proche d'eux autres. Puis être proche de quelqu'un, c'est améliorer sa vie, surtout pour sa satisfaction et non pas pour sa construction. La construction, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est satisfaction en premier, puis c'est construction après. Quand vous avez des rapports d'affaires, c'est des rapports de construction. Mais vous remarquez que les gens sont aussi importants qu'ils sont utiles, mais ils ne sont jamais assez importants pour être dans votre intimité. Important de comprendre ça. Si tu es utile, tu n'es pas nécessairement intime. Fait que si tu es intime, c'est parce qu'il commence à avoir de la satisfaction, il y a du plaisir. Fait que cultiver le plaisir puis cultiver l'utilité, c'est pas le même travail. Quand tu es avec une personne puis que tu vis du sexe, c'est-tu pour bâtir? Non, c'est pas être fun. T'as pas de fun? c'est bien dur de garder la relation parce que t'es mieux de l'avoir comme ami, mais ça va être utile. La relation devient utile, donc elle devient fonctionnelle. Donc, tu as besoin de l'autre, tu lui donnes l'importance pour ce que tu construis. Tu as fini de construire, la personne a perdu son importance. Tandis qu'une personne qui donne satisfaction, avec laquelle tu as du plaisir, puis c'est renouvelé, renouvelé, renouvelé, bien ça, c'est pas, ça, tu ne veux pas perdre ça. Parce que dans le fond, tu construis pour être satisfait. Tu construis pour te donner les bases d'un terrain de jeu. Fait que ton terrain de jeu, il est vital. Parce que si c'est toujours du travail, puis de l'utilité, puis du ramassage de cash, bien, tu vas en profiter quand? Fait que, je vous donne l'exemple de la personne qui se marie, qui est avec un mari insécure, qui travaille, pile d'argent, bâtit une maison, structure. Puis là, la femme, elle dit, on est rendu à 75 ans, là, on va s'amuser quand, là? Puis le goût de cul, puis le goût de ci, puis le goût de ça, là. On va s'amuser quand? Pas de voyage, ça coûte trop cher. Pas de plaisir. Grosse construction, pas de plaisir. Penses-tu que tu regardes ton mari avec de l'importance ou tu regardes ta femme avec de l'importance? C'est pas ta femme qui est importante, c'est ton compte de banque. Donc, le gérant de banque. Donc, les gens qui te conseillent financièrement. C'est eux autres qui ont de l'importance. La femme, elle la passe en deuxième. Fait que l'évolution d'un être, dans le sens d'être mental, c'est de comprendre ces éléments de base-là, du comportement animal des gens, et de comprendre aussi que si tu veux te lier à des gens, il faut qu'il y ait du plaisir. Qu'il y ait de la construction, ça, c'est pour préparer le terrain de jeu, mais la construction, ce n'est pas la base de la vie. La base de la vie, c'est la satisfaction. Tu es satisfait, tu es dans un environnement qui donne satisfaction, les personnes ont de l'importance. Un gars comme la liberté, il voit un milliard, il veut avoir du fun dans la vie. Il veut être avec des femmes avec lesquelles il y a du fun. Il veut être avec des gens qui travaillent avec lui, qui ont du fun, du plaisir, cultive le plaisir. C'est ça qui est bien important. Puis les gens qui sont utiles, qui sont fonctionnels, qui leur apportent une brique à leur construction, ça, c'est des gens qu'on paye. Ça coûte combien? On leur donne temps, puis c'est fini. Fait que ce qui fait que l'individu dans la vie cherche deux choses. Avant d'être important, il cherche à se construire une image. Parce que tu ne peux pas être important si tu n'as pas une image. Il faut que les gens soient attirés parce que tu apportes, donc ce que tu représentes. Donc, il y a un travail à faire sur l'image. Fait que cette construction-là, elle se bâtit sur un échange. Il faut qu'il y ait de l'échange. Tu ne peux pas emprunter 100 000 $ à quelqu'un si tu n'as pas échangé avec. Il va te prêter 1 000 pour t'essayer, mais il ne te prêtera pas 100 000 pour s'engager. Il va te prêter 1 000 pour t'essayer. Puis là, si dans l'échange, il lui est retourné un rendement, un intérêt, il faut qu'il y ait un intérêt quelconque, à un niveau quelconque, là, il va pouvoir regarder ce qu'il peut faire de satisfaisant avec toi. Deuxième étape. Puis là, il va voir si son terrain de jeu, ça valait la peine de le faire avec toi dans un premier temps. Puis il va après ça voir si tu peux être sur le terrain de jeu pour s'amuser avec toi. Si tu ne passes pas le test de t'amuser, là, tu vas rester utile et tu vas être fonctionnel dans sa vie. Fait que ça fait les genres de couples qui n'ont plus de sexe, qui n'ont plus de sortie, plus de ci, plus ça, mais qui restent ensemble parce qu'ils ont une image, ils ont une réputation pour la famille. Ils ont un héritage à recevoir, puis les parents seraient troublés d'un divorce. Ça fait des gens qui restent ensemble parce que politiquement, il faut que tu aies une famille. Ça reste des gens qui sont utiles pour l'impact social, mais qui ne sont pas agréables à vivre ensemble. Fait que c'est très, très important de comprendre qu'être important aux yeux des autres, c'est aussi le vouloir être important. Il y a des gens qui ne veulent pas être importants parce qu'ils veulent surtout se faire. Donc, il y a des gens qui disent, « Moi, en autant que je sois utile pour mon milieu de travail puis que je ne paye, je vais m'arranger avec ma satisfaction. » OK? En voulant dire, si les gens ne peuvent pas me donner satisfaction, si moi je peux me donner satisfaction, puis que je m'autosuffis dans mon autosatisfaction, ben là, à ce moment-là, j'ai juste besoin d'être utile pour construire, être reconnu au niveau d'une image, d'une réputation, comme quoi je suis efficace, puis ça va être suffisant dans mon rapport social pour me donner ce que j'ai, pour me donner dans mon intimité ce que j'ai besoin. Vous me suivez? Moi, c'est un petit peu ce que je vis avec mes chats. Mes chats me balancent suffisamment. Puis j'ai assez de ludique dans le cinéma, puis mes carabines, pour pouvoir être strictement utile dans la vie des gens, sans que les gens soient dépendants de leur affection vis-à-vis de ma personne pour y trouver un loisir. Vous me suivez? Fait que si je m'enligne pour dire, ben là, si j'ai pas d'amis, je peux pas m'amuser, là, je deviens obligé de faire des acrobaties épouvantables pour me syntoniser à un environnement avec lequel je ne suis pas nécessairement confortable. Tu sais, je pense, exemple, à Luce, tu as une marcheuse. Avoir du plaisir avec elle, c'est nécessairement marcher. C'est nécessairement faire des pique-niques où il faut que tu montes sur un cap de roche pour aller le manger. Ça, c'est too much pour moi. J'ai de la misère à marcher 100 mètres à centre de tir, puis 200 mètres pour moi. Il ne faut pas que je fasse ça trop souvent dans l'après-midi. J'étais à moitié mort quand je reviens. Fait que, être pris que... Tu sais, je l'aime bien, là, mais j'aime bien mieux être utile dans sa vie que d'être dans son social intime. Là. Vous suivez? C'est too much. C'est comme, je peux pas répondre à ces critères-là. Fait que votre zone de satisfaction puis votre zone de construction, c'est pas la même chose. Puis quand vous êtes utile, vous savez que vous avez de l'importance pour l'autre et vous avez un échange ensemble sur l'utilité. Que vous ayez du fun, tant mieux, mais c'est pas ça la base de votre attraction. Tandis que les gens, des fois, on va regarder tu sais, je regarde le procès d'Arturo Gatti. Je dis que tu as juste à y regarder la binette à la brésilienne, c'était un paquet de troubles, juste à la regarder, tu sais. Fait que le gars, il est boxeur, donc il cherche le trouble, il aime ça se battre. Puis il s'est trouvé une femme qui était parfaitement taillée pour son style de caractère. C'est-à-dire, tu veux te battre, man, celle-là, là, elle va grimper sur le mur, elle va faire ça, elle va faire ça. Tu vas passer ta vie à te battre. C'est un combat permanent. Puis c'est une binette de bitch, là, tu peux pas avoir mieux que ça, là. Elle va t'en shooter un dans le visage anytime. Mais tu peux pas être surpris quand tu arrives au procès. Il est boxeur, c'est son mode de vie, puis il s'est trouvé une femme pour boxer. Puis je regardais son ex-femme avant. T'as un autre, tous les cheveux noirs, les yeux foncés, là, tu vois que ça a du feu dans le corps, ça, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est sûr, tu sais, puis même sa vie finie, son héritage, c'est un terrain de boxe, c'est un ring de boxe, tu sais, entre les familles, puis ça. C'est normal. Il dégage ça, c'est ça son message, il faut se battre dans la vie. Et puis, sa satisfaction, lui, c'est le combat. Fait que, il pouvait pas avoir autrement que du fun avec ce monde-là. Tu sais, on divorce pas, on reste ensemble, je te transfère mon héritage, puis tu sais, clac, clac. Il fallait qu'il y ait un enjeu en quelque part, mais qu'il s'est fait du fun là-dedans. Tout le monde dans sa vie a une façon de s'amuser. Sachez comment vous vous amusez, parce que c'est avec ces gens-là que vous allez pouvoir vous développer de l'intimité. Comment vous vous amusez? Moi, bien souvent, quand j'étais plus jeune, je disais, moi, je m'amuse sur deux roues ou sur quatre roues. Mais tu sais, en d'autres termes, il faut un moteur entre les jambes, là. Si la personne, exemple, moi, une femme qui rentrait dans ma vie et qui n'était pas capable de s'asseoir sur un bicycle à gaz, excuse-moi, là, out. Parce que le gros de mon fun dans la vie, c'est de rouler sur un bicycle à gaz. Là, aujourd'hui, moins, là, fait que peut-être que je pourrais regarder assis à côté de moi, c'est un auto. J'ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était fondamental. Fait que la première femme que j'ai eue, elle embarquait sur un bicycle, puis on était comme un thème, c'est une lettre. Elle collait en arrière, j'ai jamais eu une meilleure riders en moto que Monique. On avait du fun aussi. On dormait ensemble, on était collés, là, en chien de fusil, là, puis tout fitait. C'était parfait. Mais quand elle commençait à plus avoir de fun, parce que je faisais trop de courses de moto, elle ne court pas sauter, c'est évident. Puis quand on était en public, puis en société, puis que Bernard donnait plus d'importance à ce que je disais que ce qu'elle disait, ça a été le bout du bout, ça a sauté là. Parce que c'était sauté avant que je rencontre Bernard. Bernard a récupéré la relation. Puis la relation a sauté parce que il ne trouvait pas de satisfaction. Mais j'étais utile. Fait qu'aujourd'hui, je suis encore utile. Elle va m'appeler s'il y a un problème. Puis si je suis utile, elle va se servir de l'utilité. Mais elle ne trouve pas de satisfaction, donc il n'y a plus d'intimité. Vous me suivez? Fait que ça, la personne qui sait gérer ça dans sa vie, c'est exactement avec qui elle peut vivre. Tu peux vivre avec des gens qui te donnent satisfaction. Mais tu ne peux pas vivre une vie privée strictement dans de l'utilité. Sans ça, c'est un mode de survie à l'infini. À l'infini. Je regarde ma mère avec mon père, c'était de la survie permanente. Écoute, tu ne peux pas avoir de l'argent. Ma mère, elle s'habillait toute checkée. Tu sais, swell. Puis mon père, il payait des gros bijoux à 3, 4, 5 000. Qu'est-ce que tu finis ta soirée chez Burger King? Excuse-moi, là, il y a quelque chose qui marche pas. Tu n'as rien compris de la vie, bonhomme. Là. Burger King. Puis tu as 3, 4 000, 5 000 piastres de linge sur le corps chez Burger King. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est utile. On sauve de l'argent. Si on va là, ça va coûter 30 piastres de plus, puis on n'aura pas plus le ventre plein. C'est une logique de malade, là. C'est un individu que toute sa vie, c'est être utile. C'était pas de se satisfaire. Et c'est ça que souvent les gens manquent dans leurs relations. C'est souvent ça qui fait que le couple saute, c'est que c'est trop axé sur l'utilité, c'est pas assez axé sur la satisfaction. Donc, l'époque où les gens disent « Ouais, moi je suis tanné, j'ai plus le goût de vivre ça », regardez ça, c'est jamais en termes de qu'est-ce que ça rapporte. Ils vont dire « Ben là, moi, là, c'est pas pour l'argent, là. C'est mon voyage. Hein. » Tu sais, j'ai vu tellement de couples sauter, moi, à cause de ça. Là. C'était tout basé sur la performance, le conditionnement à un rendement, à une construction de quelque chose. Puis t'arrivais, tu finissais par avoir la crise de maison que tu voulais, le rêve que tu voulais, puis il fallait encore que tu construises. Il n'y avait jamais de temps de pause. Même quand tu construis, il faut être des temps de pause. Puis quand il n'y a jamais de temps de pause, puis que c'est toujours de la construction tout le temps, la relation va sauter. Bon, c'est vrai en couple, et bizarrement, c'est vrai en amitié aussi. L'essentiel de tes rapports amicaux, c'est le projet. C'est pas la personne, c'est le projet. Tu es ensemble parce que tu as un projet. Tu n'es pas ensemble parce que juste t'es bien. Juste t'es bien, là. Si tu as ça, c'est parce que être bien, c'est la seule place que tu peux être bien, tu peux pas être, t'as pas d'intimité. Fait que quand tu as des amis qui remplacent l'intimité, bien là, il faut que tu te poses des questions, parce que ça veut dire que chez vous, tu t'ennuies à mourir. Ça, c'est des gens qui tombent malades. OK? Moi, je suis un candidat à être bien malade. Si j'aurais pas de chat, je tomberais malade. Parce que la seule affaire qui me garde en satisfaction chez nous, c'est mes chats. Je m'amuse avec ça terriblement. Je passe des heures. Là, j'en ai 16 à nourrir à la cocoon. T'sais, au biberon. Parce que les deux femelles sont parties, ils m'en ont laissé des chats. Parce qu'ils nourrissaient ces chats-là. Là, ils ne nourrissent plus, ils sont morts. Fait que, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, j'étais avec la cocoon, le lait de chat, puis on nourrit les chats. Mais ça m'amuse! Attention, là, c'est pas une corvée, là. Je trouve ça drôle de nourrir un bébé. Je suis capable de vivre avec ça, puis ça m'empêche de tomber malade. Mais pas ça, je tomberais malade. Parce que si tu es chez vous, tu t'ennuies, tu n'es pas heureux, c'est très dangereux pour ta santé. Là, il te faut des amis, ça, c'est très, très, très urgent. Parce que là, la raison d'être de la relation amicale, c'est justement de te donner une intimité et un équilibre émotionnel. Vous me suivez? Ça remplace les chats, dans mon cas. Fait que, on s'entend que là, tu peux donner de l'importance à des gens juste parce que tu es content de les voir. Là. Tu sais, quand tu les regardes et tu as les larmes aux yeux, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais tu l'as vu la semaine passée. Tu sais, fait que ça, c'est parce que là, tu es en manque de bec sa joue, puis de serrer dans tes bras, puis de. Ah, hey, qu'est-ce qu'on se dit? Viens, on va aller manger là-bas, puis on va aller là. Mais on y était la semaine passée. Ouais, mais on y retourne, on était bien. Tu sais, parce que tout ce que tu recherches, c'est d'être bien. C'est pas construire. Ça, ces gens-là peuvent avoir beaucoup d'importance. Tu regardes les Italiens, ils se font tout le temps des petits clubs, là, des petits restaurants là, où ils se rencontrent. Là, puis ils sont tous là le soir, de telle heure à telle heure, là, puis ils se placotent des affaires. J'ai une place à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là. Si je m'ennuie, je m'en vais là, là puis il y en a tous 4-5 qui n'ont rien à dire, puis que c'est pas important ce qu'on a à dire. Puis ils répètent tous la même salade, mais on relaxe. Là, c'est des bons vivants. Là, puis ils te racontent la joke, mais d'une autre façon. Puis, hey, je t'ai déjà compté ça? Ben oui, tu m'as compté ça. Ben dis-moi de la raconter pareil. Puis, ils repartent. Mais ça, c'est des gens que tu peux donner une certaine importance contextuellement. Il y a un contexte qui fait que ça te permet de dire, bon, ben ces gens-là ont de l'importance. Le facteur, par contre, qui est sinueux là-dedans, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai cassé la roue, j'ai déménagé, tu sais. Pour descendre de Saint-Colombin, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, aller voir le club du vieux poil. Puis toutes les histoires de Biscagaz, puis de chasse, puis ça, je les connaissais toutes. Là, mais en m'intéressant au centre de tir, aux carabines, ces bébelles-là, je dis, m'aller retourner voir ma gang. Ils m'ont boudé. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Puis ils me boudaient. Là, genre, ouais, c'est ça, si on te donne de l'attention, tu vas nous laisser tomber encore 6 mois, 1 an. J'ai dit, hey, les gars, je m'excuse. J'ai dit, je faisais plus de moto. Je pensais que j'avais plus de sujet de conversation. Puis je dis, si je vous écoutais, ça m'aurait fait souffrir parce que j'aurais été comme abandonné par vous autres qui ne pouvaient pas vous suivre pour vos raids de bicycle. Puis j'ai dit, là, je pense que je peux me reprendre. J'ai dit, j'ai des carabines. J'en ai acheté assez pour avoir de l'air sérieux, là. Puis là, je les ai rembarqués là-dedans. Là, j'avais monté des balles en porte-clés. J'ai dit, moi, tout vous en donner une, là. Puis Ça a pris quoi? Une demi-heure, je les ai reconquis, mais ils me boudaient au début. Oh, tu as laissé tomber. C'est comme des. Ouais, des enfants là, tu sais, qui sont pas capables de se laisser parce que c'est ça, tu es un traître, là, tu sais, c'est ça. Mais tu vois que ça a de l'importance pour les gens, ça, cette dynamique-là. Il y a des gens que, bon, la plupart de ces gars-là, leurs femmes sont plus là ou ils ont divorcé parce qu'ils travaillaient trop, puis ils ont besoin de ce club du vieux poil-là pour fonctionner. Ça, c'est un aspect de la vie qui est vital pour beaucoup de gens. Mais que pour des gens qui ont une structure de couple, je pense à mon frère qui a déjà sa structure de couple et ses enfants, lui, il s'autosuffit dans cette satisfaction-là, dans le jeu de sa famille. Puis il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de social. Lui, il tombe tout seul demain matin, là, il est dangereux pour le suicide. Parce que il a beaucoup construit, il a été beaucoup utile, il a engagé beaucoup de gens qui ont été utiles dans sa vie, mais c'est une sorte d'autodidacte de la vie, là, puis son affect, là, puis